Lyrically, y'all can't fuck with me. I'm not trying to battle and keep it real like you stupid ass motherfuckers do with your album. On décapitale dans la petite capitale. Y'a une structure aux alliages d'acier qui incarne ce mariage au carnassier. J'te montre ce que ça vaut, tu perds charanien ou charnier comme au Kosovo. Mais où est-ce qu'on s'en va? On n'est pas des cassages, on prêche le saccage. Mon ennemi MC mi bête en partant les remparts qui guettent les parents de la parade. Donc j'm'en pars, on ouvre saccage. J'm'en pars en tant que créature à la hauteur de son créateur. Quand j'm'emporte mes réacteurs, crée des cratères. J'ai le caractère de la foudre qui met le four aux poudres. Pis c'est pour remplir ma gourde que j'coupe des artères. Couche-toi par terre, j'pitch une grenade dans l'engrenage. Ma voix est grise, j'fais des dommages aux nantis par passion. J'donne ma participation pour passer les estis qui font les citations. Donc j'fais l'anticipation, j'suis ni con ni patient. Pour toi pas de compassion, qu'on passe des last au first, j'm'en crisse. J'suis juste sache que j'ai de l'intensité, même si j'viens pas d'une intensité. Pis si tu veux, tu fais, j'vais t'en citer. Car cette intensité wack, c'est pas drôle, y'a quoi faire un drame. Un gros sac plein de paroles de quoi faire pour dame. Damn, c'est quand tu cours en quelque chose. Dans ma galère comme à la guerre. Cher les coups pour la croûte, puisqu'on faisait la guerre. Les après-midi à l'arrivée sur le parvis. Vivre le brouhaha, le drame. Comme un cap, c'est assez de faire corpser sur les peines d'Abraham. Mes souvenirs craquent comme du Graham. Ou le sol du Sahara, ça ira. Quand je sors la claque qui me rappelle que je suis baptisé. Des joints attisés, sur le perron de l'église du quartier. Saint-Jean-Baptiste, tout le monde atteste. On a un A plus à ton test, ça le peste. Tu entres dans le cycle logique de tes boyaux. Laisse faire la clique de doyen qui a le savoir-faire et les moyens de faire savoir. Live la lave du cap diamant, là bas la cave ou le rap brillamment, c'est incrusté. Si à maman son c'est ben crusty, des plus si mon cul à Q aussi est ici pour rester. Live la lave du cap diamant, là bas la cave ou le rap brillamment, c'est incrusté. Si à maman son c'est ben crusty, des plus si mon cul à Q aussi est ici pour rester. Hey yo, du cap diamant, Zeus déculpant trio pour voir briller les quatre diamants. Ok, je vois un culte, je veux mes pouvoirs aux joyaux brillants de mêler une facette vue dans ma majeure sculpte. Brillant pour un millennium, full featuring sur des cassettes pour payer le loyer. Voyez, mon temps futur, une ring, pas hors de cassette. Étincelle dans ta déborgnée, digne de celle qui casse dans le foyer de Zoron. Étincelle, lampe à trop lorgner. La mine de sel, c'est marin, mais les morons hallucinent avoir une carrière. Peut-être noyé, tu pourras voir dans ma barrière de coraux. Mes perles 400 carats, check comment tu parles, car l'accent corrompt. Comme un chèque, autrement dit, par cœur, la sang est courant comme un chaque caillou. Taillé dans le feu de ma forge, fais brailler les voyous jaloux du dondon et les rêves, donc m'enfarge. J'ai vu style redondant, sans très charge, les fake style tintin. De ce qui sort de ma gorge, ma plume, comme le maillet sur l'enclume. J'dois veiller sous la lune, afin d'émailler mes bijoux qui allument la nuit comme une bougie. Pour faire chalum de l'ennui, j'me camin, puis j'rugis. Abruti par mes rubis, tu rougis. Car l'érudit de la rue qui aime rôder est rare. Tu comme le curare, ceux qui viennent marauder pour les meraudes. Les bouts de lave qui pleuvent, comme des obus du cap érodés par le fleuve. You know the flavor. Live la lave du cap diamant, l'offre à la cave ou le rap brillamment. C'est incrusté, si à ma mensonge c'est ben crusty. Du fruit si mon cul a juicy, ici pour rester. Live la lave du cap diamant, l'offre à la cave ou le rap brillamment. C'est incrusté, si à ma mensonge c'est ben crusty. Du fruit si mon cul a juicy, ici pour rester. Chant du cap diamant, brillamment et brillamment. J'arrive à temps, j'ai mis de l'avant les pros, ouais c'est puissant. Mon firmament brille, dans tes pires moments tu vrilles. Loki Morn Simon, rhyming with timing. Tight style, fire in your hiding. Tu te caches, nous on casse tout. La tâche est trop lourde pour les lâches, nous comme des mollusques. Et puis ça te fiche des pistes, des rhymes qui te frustrent plus. Robust, mus de bière, je veux plus de bière. T'es juste une puce sous ma tonne de fer. Je te donne la guerre, je suis le requin, toi l'anémone de mer. Viens au combat, on a du fun à se faire, tu tomberas. Éliminer les wack du cap, t'as compris mon contrat. D'où je viens, on soutient, on est bien fouillons. Fous bien du reste, mes cousins vont te battre si tu testes. Fuck that, j'riposte clac, l'effect off mac, plot à crack. Et moi j't'attaque avec mon rap fat, allié avec carnassier. On rappe dans les bars, on représente le quartier sur le beat de Thor. Personne n'est épargné, mon armée enragée va charger, va varger dans le tas. Tu feras bien ce qui t'entra, la révolte arrive à grand pas. Tu te rends pas, c'est sûr. Même si t'arrives en rempart, j'te jure, tu frappes un mur. C'est les remparts avec sa fanfare. Nous on s'en sort, les autres feront pas des enfants forts. Surveille tes arrières, on débarque sur le flanc nord. La structure carnassier. Pour l'éternité, word. Live la lave du cap diamant, l'aube à la cave ou le rap brillamment. C'est incrusté, si à ma mensonge c'est ben crusty. T'es frus si mon cul à cul aussi est ici pour rester. Live la lave du cap diamant, l'aube à la cave ou le rap brillamment. C'est incrusté, si à ma mensonge c'est ben crusty. T'es frus si mon cul à cul aussi est ici pour rester. Oh yeah, DJ Nerves in the area. Carnassier structure. Loki Morn Simon Tall. Whack MCs, we pee on those. Be on those whack MCs.